Image de synthèse, après l'incendie, de nouveaux relevés ont été réalisés par drone et par photogrammétrie pour documenter l'état post-sinistre et suivre l'évolution du chantier de restauration.